pasti item box. Toujours comme de nuit, je prie sa majesté et la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie au King Selassie. De jour comme de nuit, je prie sa majesté la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie au King Selassie. Oh Jah Almighty, je te remercie pour m'avoir donné aujourd'hui un sens à ma vie. C'est pour toi cette mélodie, oh oui. Je porte le poids de ma croix, car depuis longtemps j'ai la foi en toi, le roi des rois. Les lois de la Torah qui me dirigent à l'évangile de cette somme qui réchauffe ma eau. Mais pour aller de l'avant, je m'enseigne dans le temps à l'aide, oh oui, du Coran. Car pas besoin des pics de pierre ou de bois pour le royaume de Jah est en toi, ouais. Pas besoin des défis de pierre ou de bois, le royaume de Jah est en toi. Et c'est pour ça, vois-tu, Jah, que j'ai la foi. De jour comme de nuit, je prie sa majesté, la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie, au King Selassie. De jour comme de nuit, je prie sa majesté, la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie, au King Selassie. Oh Jah Almighty, merci pour ta vérité. C'est toi qui as le pouvoir de la vie, ouvre-leur les yeux. Ils ne croient plus toi en créateur des cieux. Babylone ira pourtant brûler de ton feu. Tu nous avais mis, oh oui, sur terre pour peupler ici, maman, la terre. Alors pourquoi tant de guerre sur la terre entre sœurs et frères? Le jour comme de nuit, je prie sa majesté, la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie, oh King Selassie. De jour comme de nuit, je prie sa majesté, la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie, oh King Selassie. Il faut prier sa majesté tous les jours de l'année. Il faut prier sa majesté, King Selassie. Lumière dans la vie, purifie ton esprit. C'est lui qui donne la vie, mais sa peu de gens voient, ils l'ont compris. Alors aujourd'hui, moi je le sanctifie, oh oui, par cette mélodie. Wow, car je ne crée rien ici. De jour comme de nuit, je prie sa majesté, la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie, oh King Selassie. De jour comme de nuit, je prie sa majesté, la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie, oh King Selassie. Oh Jah Almighty, protège-moi ici. À vivre dans le halam, je sens la chaleur des flammes. Oh Jah, protège mon âme. Montre pas la bonne direction, mets-moi sur la voie de Zion. Oh King Conquering Lion. Montre-moi la bonne direction, mets-moi sur la voie de Zion. Oh Conquering Lion. De jour comme de nuit, je prie sa majesté, la lumière dans la nuit. C'est lui qui guide ma vie, oh King Selassie.